Bonjour, eh ben, merci d'être encore si nombreux et de rester pour presque l'anniversaire de la commune, puisque hier avait commencé il y a 140 ans, 145 ans, ce qu'on a appelé la semaine sanglante, c'est-à-dire l'écrasement de la commune dans le sang par les troupes de Versailles qui venaient de là-bas, pour finir là-haut au Père-Lachaise et faire... les chiffres changent un petit peu, mais autour de 30 000 exécutions dans Paris, plus les morts pendant la bataille. Donc ça a été une boucherie épouvantable, perpétrée par un gouvernement légitime. Alors, j'ai prévu une intervention générale sur la commune, c'est-à-dire ce qui va précéder la commune de Paris, c'est-à-dire le contexte historique dans lequel on se trouve, la guerre de 70, la fin du Second Empire, et puis parlera un petit peu de ce que fera la commune de Paris, qui est considérée comme la première révolution sociale qui va donner naissance à... qui va inspirer beaucoup de monde, et jusqu'à la révolution bolchevique de 17. Donc c'est un événement extrêmement important qui durera en tout à peine 2 mois. 2 mois d'histoire dans Paris va influencer un nombre considérable de révoltes et de révolutions à travers le monde depuis 140 ans. Et on en parle encore. Et aujourd'hui, c'est aussi ça qui m'intéressait, c'est que ce qui se passe ici a quelque chose ici à voir avec la commune de Paris. On n'est pas loin, et je voulais, on va le montrer, on n'est pas loin de beaucoup de choses qui se sont déjà passées il y a 140 ans, ici même. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé parce que je suis venu en vitesse en vélo et puis il pleut. Alors, donc, on est en juillet 1870. Napoléon III, par un coup du sort de Bismarck, qui est à l'époque le chancelier prussien, qui veut réussir son unité allemande, déclare la guerre. Donc Napoléon III déclare la guerre à la Prusse. On est au mi-juillet 1870, un mois et demi après, l'armée française est complètement défaite, enfermée à Sedan, et Napoléon III est déposé, abdique, et partira ensuite en Angleterre. L'armée française est morte en 6 semaines. C'est ce qui se passera d'ailleurs à peu près en 14 et également en 40, hein, devant les mêmes armées allemandes, avec aussi les mêmes tactiques intéressantes à étudier. Donc la guerre de 1870 fait beaucoup de morts, puisque c'est quand même une des premières guerres où on va utiliser des armes modernes. On commence à trouver des mitrailleuses qui ont déjà été expérimentées pendant la guerre de sécession aux États-Unis entre 1861 et 1865. On va avoir les premiers fusils qui se chargent par la culasse et non plus par le canon, ce qui permet de tirer beaucoup plus vite, des balles qui vont beaucoup plus loin et qui sont beaucoup plus performantes. Donc on a des instruments de mort qui commencent à devenir extrêmement performants. Les Prussiens les avaient déjà expérimentés 2-3 ans avant, dans une guerre qu'ils vont mener contre l'Empire austro-hongrois. Et les Autrichiens, qui avaient encore du vieux matériel, vont comprendre leur douleur de ce que c'est que les armements militaires modernes. Donc ça donne une guerre courte, mais extrêmement meurtrière. Et donc en 6 semaines, la guerre est bouclée. Bismarck et ses troupes sont autour de Paris. On a les Allemands, on a les Prussiens à la porte de Paris, avec un gouvernement qui essaie de temporiser. Napoléon III donc a abdiqué. Il y a un gouvernement provisoire qui se met en place et qui va siéger, qui était déjà parti, qui va siéger à Bordeaux. C'est mieux ? Ah ben voilà. Excusez-moi. Donc le gouvernement est... Ah bah oui, ça pue pareil. Donc le gouvernement va siéger à Bordeaux, bien loin des ennuis de la capitale. Et dès septembre 70, il y a un siège que les Prussiens vont organiser autour de Paris, qui va donner des scènes absolument épouvantables. Paris va crever de faim, on trouvera plus rien à manger, et même plus un rat, on va manger les animaux du Jardin des Plantes qui finiront chez Maxim's. Donc les Parisiens sont dans des situations épouvantables. On n'aura jamais connu ça à Paris pendant tout l'hiver. Non seulement il n'y a pas à manger, il n'y a pas de quoi se chauffer, enfin c'est l'horreur, hein. Ça va aussi donner, enfin, ce souvenir du siège de Paris va rester très très très longtemps chez les Parisiens. En attendant, les Allemands sont à la porte. Bismarck va réaliser ce qu'il venait faire, c'est-à-dire son unité allemande, et va couronner à Versailles Guillaume Ier, empereur d'Allemagne. On va avoir quand même un empereur d'Allemagne qui va être couronné à Versailles en janvier 1871. Tous ces événements vont très vite. Alors qu'est-ce qui se passe en même temps à Paris? Et globalement, comment est-ce que les gens vont réagir? Un régime qui s'effondre en 6 semaines, un gouvernement provisoire qui tracte avec les Prussiens, qui négocie avec les Prussiens, on ne parle pas encore de collaboration, mais c'est la même chose. Et le Second Empire a quand même été le moment où le mouvement ouvrier commence à se développer de façon extrêmement importante. Il commence à y avoir même ce qu'on appelle une aristocratie ouvrière. On en a parlé tout à l'heure, j'ai entendu des choses de cet ordre pour les canuts à Lyon, mais ça va encore plus se développer au cours du 19e siècle. Et pendant le Second Empire, Napoléon III, aussi dictateur qu'il était, a quand même permis aux syndicats de se créer, et des expositions universelles qui vont avoir lieu pendant le Second Empire jusqu'en 1867, où à Paris il va y avoir une immense exposition universelle qui va être la vitrine de ce qu'apporte le Second Empire et ce que la France industrielle et moderne de l'époque, va aussi permettre beaucoup de relations entre ouvriers français et ouvriers anglais. Les ouvriers anglais, eux, sont bien en avance, puisque l'industrie anglaise a commencé avant l'industrialisation française. L'AIT, c'est-à-dire les prémices de la première internationale, l'Association internationale du travail, se crée en 1864 à Londres, et il y aura la branche française qui se créera à Paris en 1865. Donc on est à peine 5 ans avant la fin du Second Empire, tout ça est en train d'avancer assez vite. Donc le mouvement ouvrier se structure avec des idées révolutionnaires, avec des idées socialistes qui vont prendre réellement pied dans le corps ouvrier. Maintenant il faut savoir aussi qu'en France, si on commence à avoir des centres ouvriers, des centres industriels, 80-90% de la population elle est rurale. Ce sont encore les campagnes qui remplissent en grande partie la population française. Donc il y a un écart très fort entre un monde finalement qui devient très moderne, une ville qui se modernise énormément pendant le Second Empire à Paris, et des campagnes qui fonctionnent à l'ancienne et qui vont fonctionner à l'ancienne très très très longtemps, pratiquement jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il faudra la fin de la Seconde Guerre mondiale et les remembrements qui va créer les grandes propriétés, les grandes exploitations qu'on connaît aujourd'hui pour l'agriculture moderne, pour en finir ou pour achever la modernisation de la France et aussi vider les campagnes. Donc les campagnes, jusque très tard en France, ont toujours un rôle extrêmement important, encore plus à la fin du 19e siècle. Et ça va être très important, ça, pour la suite de l'histoire. En même temps, Paris, et ça c'est historique par rapport à l'histoire même de la ville, reste un centre insurrectionnel extrêmement important. C'est en 1830 qu'on met Charles X dehors, c'est en 1848 qu'on met Charles X dehors. En 1830, il y a la révolution de juillet avec la colonne qui est toujours à la place de la Bastille, des 3 jours de juillet qu'on appellera les Trois Glorieuses. Et le Paris insurrectionnel qui existe déjà pendant la Révolution, reste extrêmement vivant. On va avoir un Paris extrêmement populaire, agité, avec des idées socialistes et révolutionnaires qui circulent, un gouvernement qui va partir de Bordeaux pour s'installer à Versailles, et à partir de ce moment-là, les gens de Paris vont commencer à se poser des questions sur qu'est-ce que c'est que ce gouvernement qui tracte avec les Prussiens, et qui s'installe à Versailles. On est encore devant un moment où les royalistes, où l'idée républicaine est loin d'avoir gagné en France. Versailles, ça reste la ville de la monarchie. Donc, et c'est ça aussi qui va commencer à provoquer le ferment qui produira la Commune, c'est que les Parisiens s'insurgent contre un gouvernement qui potentiellement peut renouer avec la monarchie et qui en même temps tracte avec l'ennemi. Ça va produire un phénomène insurrectionnel, et ça aboutira pardon. À ce que le 18 mars 1871, au moment où le gouvernement de Versailles, qui s'allie très directement avec Bismarck, va essayer de contrôler ce mouvement qui naît dans Paris, en allant chercher des canons qui se trouvent sur la butte Montmartre, envoie des soldats sur la butte Montmartre chercher des canons qui ont été payés à l'époque par les Parisiens. Ça se passe au petit matin. Et ce sont les femmes qui se lèvent toujours plus tôt que tout le monde pour aller préparer le pain, les courses, etc. On voit les soldats, alerte tout le monde. On arrête les soldats. C'est-à-dire qu'on arrête, les soldats arrêtent d'emmener les canons. Il va se produire une fraternisation entre la troupe et les Parisiens. Et c'est ça qui va marquer le début de la Commune de Paris en termes d'insurrection et de pouvoir qui va s'opposer au pouvoir entre guillemets légitime, puisqu'il y a une assemblée qui va être une assemblée nationale qui va être élue, il va y avoir des élections, qui siège à Versailles. Comme dira Victor Hugo, il y aura la loi d'un côté et le droit de l'autre. La loi, c'est l'assemblée de Versailles qui est légitime, et en même temps le droit des Parisiens à s'insurger contre une assemblée qu'ils estiment eux illégitime. Il y a une légitimité populaire qui s'oppose à une légitimité légale. Et les deux, forcément, ça va faire un clash monstrueux. Je tourne les pages. Les soldats qui vont aller chercher les canons le 18 mars donc vont fraterniser avec les Parisiens, et à ce moment-là, on va avoir les premiers généraux de l'armée française qui vont être fusillés sur place par les Parisiens, alliés aux soldats qui s'allient avec la garde nationale, puisque à l'intérieur de Paris, il y a des gardes nationaux qui sont particuliers à la défense de Paris, qui sont indépendants de l'armée, et qui vont donc s'allier avec les soldats. À partir de ce moment-là, la guerre est ouverte entre les Parisiens et le pouvoir de Versailles. Ça va durer 2 mois, ça va être terrible. Les Parisiens, en même temps, s'organisent, élisent un conseil municipal, ça sera le conseil de la commune. Il y aura une œuvre assez importante qui va être faite et extrêmement moderne de la part des communards. On va commencer à parler d'école laïque pour tout le monde, de salaire égal entre les hommes et les femmes, de l'interdiction du travail de nuit pour les boulangers. Il y aura des décrets qui empêcheront, enfin, qui permettront aux boulangers de ne commencer des ouvriers boulangers qu'à 5 heures du matin et pas à 2 ou 3 heures. Il va y avoir comme ça, par la commune, des décrets et une œuvre sociale extrêmement moderne qu'on mettra 50 ou 100 ans avant réellement de les voir s'appliquer dans la loi et dans la loi sociale en France. Devant la fraternisation entre l'armée et les Parisiens, Adolphe Thiers, qui est le chef du gouvernement provisoire, qui au passage a été un opposant de Louis-Philippe en 1848, et à cette occasion, on se rend compte que, comme on l'a vu il n'y a pas longtemps, des gens qui pouvaient, et des responsables politiques, qui pouvaient condamner des politiques lorsqu'ils sont dans l'opposition, sont bien heureux de faire exactement la même chose quand eux sont au gouvernement. On a vu ça avec un 49-3 il n'y a pas longtemps. Bah, Thiers fait exactement la même chose. Ce sont des pratiques de gouvernants qui sont ordinaires. Pour moi, il ne s'agit pas de retourner sa veste, il s'agit juste de changer de casquette. On n'a pas le même boulot et on ne fait pas la même chose. C'est ce qu'on disait hier, on peut faire l'inverse le lendemain. C'est ce que fait Thiers. En 1848, à l'époque justement où il y a beaucoup de révolutions à travers l'Europe, comme à Paris, les gouvernements européens, notamment à Barcelone et ailleurs, font tirer au canon sur la population. Thiers, qui à ce moment-là dans l'opposition, plutôt républicain, dénonce ça comme une indignité absolue. Et en 1871, quand il est chef du gouvernement provisoire, il bombardera Paris en faisant exactement la même chose pour reprendre le contrôle de la situation, le même. Et les communards, eux aussi, se sont rappelés de tout ça et ont sorti des affiches avec ça. Je vous les ai imprimées, je vais vous les passer. Il n'y en a pas beaucoup, mais vous pouvez les lire à plusieurs. J'en ai imprimé quelques-uns. Passez-les-vous. J'en ai pas beaucoup, hein. Il faut être à plusieurs sur le même document. Ça a été sorti par les communards au moment où Thiers bombarde Paris pour lui rappeler que une vingtaine d'années avant, il avait lui-même été contre ce genre d'action. Il y a une grande permanence dans les politiques menées par les gens qui sont en responsabilité. Hein. Devant la fraternisation, Thiers va penser à autre chose. Et c'est là où ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de du fait que la France soit restée un grand pays agricole et rural, c'est que les soldats qu'il va utiliser pour rentrer ensuite dans Paris et écraser la commune, il va aller les chercher dans des régiments qui viennent pas de la région parisienne, qui viennent pas de Paris. Il va les prendre dans des régiments qui viennent de campagnes assez éloignées où les gens sont attachés à la terre et on va leur dire que les gens sur lesquels ils vont tirer, ce sont des dangereux fous furieux. C'est-à-dire des gens qui veulent collectiviser les biens, des gens qui sont donc contre la propriété, et puis aussi ce sont des gens qui représentent une certaine modernité. Il y a un certain danger, les gens qui viennent des campagnes ne comprennent pas bien ce qui se passe dans ce monde industriel. Et ça va être assez facile pour Thiers d'expliquer à ces soldats qu'en fait, c'est pas sur des Français qui vont tirer, c'est vraiment des gens qui mettent en péril la France. Oula. Ça marche ? Ah, merci. Donc, ça va être extrêmement important donc de comprendre cette dichotomie qu'il y a entre une France qui se modernise, une France qui est restée très agricole, très ancien régime d'une certaine façon, sur lequel Thiers va s'appuyer pour écraser la commune et prendre des soldats qui ne vont pas hésiter à tirer. On va fusiller quand même des milliers de gens. On va tirer au canon dans les rues de Paris. Il y a des dizaines de milliers de morts dans Paris. Je ne sais pas si on se figure aujourd'hui ce que c'est. Saddam Hussein, il a en 2 ans tué 250 000 personnes pour tout le pays. À Paris, ça a duré à peine 8 jours. Il y a 30 à 50 000 personnes qui sont mortes en ville. C'est énorme par rapport en plus à une population du 19e siècle. Hein. Et de fait, il y a des essais d'entraînement de la commune de Paris sur les villes de province et ça ne marchera pas. À Lyon, on va se mobiliser un petit peu. On va se mobiliser un petit peu à Marseille et ça ne marchera pas. Et globalement, le mouvement communard, va rester extrêmement parisien. Mais là aussi, le poids des campagnes dans la province est infiniment plus important qu'à Paris. Tout ça va empêcher les mouvements aussi de se développer. On est dans un pays qui est extrêmement contrasté, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Ce qui va aussi en rajouter, évidemment, c'est le fait que Bismarck va directement aider Thiers, puisque ces troupes qu'on va récupérer, elles sont d'abord prisonnières de l'armée prussienne. Thiers officiellement demande à Bismarck de lui rendre ses régiments. Bismarck, qui lui n'a pas la volonté de s'installer à Paris pour occuper la France, il a autre chose à faire à Berlin. Une fois que la paix est signée, il dit à Thiers, ok, je vous rends vos régiments, moi je rentre à Berlin, j'ai mon empereur, j'ai l'eau, débrouillez-vous. Et à ce moment-là, Thiers a absolument les mains libres, complètement, pour accomplir la tâche qui s'est fixée, c'est-à-dire écraser réellement, physiquement, la commune. C'est bien. Donc les troupes rentrent réellement de façon extrêmement violente à partir du 21-22 mai par l'ouest puisqu'ils viennent de Versailles et la progression va être inexorable entre l'ouest de Paris et ça qui va traverser donc tout Paris, d'ouest en est, pour finir les derniers combats où, dans le, ici, dans le 11e arrondissement. Il y aura des barricades sur le boulevard Richard Lenoir. Enfin, on est en plein cœur des derniers combats de la commune. Ils seront vers le 28-29 mai. Victor Hugo a écrit sur cette année, qu'il appellera l'année terrible, un recueil de poèmes, et il parle très très bien justement de comment les gens reçoivent tout ça et comment la population, le peuple, on en reparle encore beaucoup, va se révolter et va refuser tout ça. Donc là, on est en février 71. Victor Hugo écrit depuis Bordeaux. Donc là, c'est un extrait de l'année terrible. Je vais vous en lire quelques vers. Et là, il s'adresse aux gens qui sont possiblement restaurateurs de la monarchie, c'est-à-dire d'un ordre ancien. Mais on peut entendre que les accents s'appliquent à bien des époques où on parle justement de se garder d'un ordre ancien qui peut revenir très fort. La liberté jamais en vain ne nous parla. Souvenez-vous aussi que nos mains, que voilà, ayant brisé des rois, peuvent briser des cuistres. Bien, faites-vous préfet, ambassadeur, ministre, et dites-vous les uns aux autres grand merci. Ô faquin, gorgez-vous, n'ayez d'autres soucis dans ces royaux logis dont vous faites vos antres que d'aplatir vos cœurs et d'arrondir vos ventres. Emplissez-vous d'orgueil, de vanité et d'argent. Roi, larron, vous avez des poches assez grandes pour y mettre tout l'or du pays, les offrandes des pauvres, le budget, tous nos millions, mais pour y mettre nos droits et notre honneur, jamais. Jamais vous n'y mettrez la grande république, d'un côté tout un peuple et de l'autre une clique. C'est votre droit divin devant le droit humain. Nous votons aujourd'hui, nous voterons demain. Le souverain, c'est nous. Nous voulons tous ensemble régner comme il nous plaît, choisir que bon nous semble, nommer qui nous convient dans notre bulletin. Victor Hugo, en 1871, on est dans des environnements politiques qui changent peu, hein, finalement. Je vous ai préparé un autre petit document qui dit beaucoup de choses sur justement comment... comment la commune explique ce qui est en train de se passer. Je vais vous le passer. Il doit y avoir 3-4 feuilles encore. Donc ça, c'est une caricature de la commune, où on voit une dame qui est allongée, qui figure la France, avec Adolphe Thiers, celui qui a des lunettes, en train de lui scier le bras, lui faire une saignée. Et dessous, on voit un casque à pointe qui est donc l'emblème des Prussiens, puisqu'ils avaient ce casque à pointe, et à côté Jules Favre, qui est un de ses ministres. Et derrière, un soleil à l'aube, et on voit... la sociale, la République sociale. La République sociale, c'est la commune. Donc la commune qui se lève derrière et qui va éclairer cet obscurantisme, cette obscurité que représente Thiers en train de saigner la France. Derrière, on voit un paquet de milliards, qui sont les milliards que la Prusse va réclamer à la France, de guerre et qu'on paiera. Donc, en un seul dessin, on a cette ambiance et cette, ce climat, cette psychologie qui s'instaure, où réellement le gouvernement de Thiers est considéré comme un véritable traître, saignant la France pour l'Allemagne, pour la Prusse, et la commune naissante essayant d'être une promesse, la promesse de l'aube. Donc là, on est. Février, mars, avril 1871. Alors, la commune, c'est aussi un moment où la propagande va commencer à prendre, par la presse, va commencer à prendre une importance extrêmement importante. C'est peut-être là aussi où il y a une vraie modernité de la commune, c'est que les combats à travers les journaux, la propagande va être extrêmement importante. On l'augmentera encore pendant 14 avec ce qu'on appellera le bourrage de crâne, mais la propagande versaillaise vis-à-vis de la commune, les journaux communards vis-à-vis de Versailles vont s'envoyer des bordées absolument gigantesques. Ça sera aussi, puisqu'on est au début de la photographie, les premières photographies truquées avec des montages qu'on mettra dans les journaux. Là, j'ai pas pu le faire, mais les journaux font des unes avec des fausses exécutions ou des exécutions sommaires avec des gens qui n'étaient pas forcément là au moment de l'exécution, etc. Et la falsification de l'information à travers la photographie, elle naît avec la photographie, elle naît avec les besoins. On n'a pas inventé ça aujourd'hui. C'est originel en fonction des besoins politiques et des technologies. Toute technologie qui permet, à partir du monde industriel, toute technologie qui permet de falsifier, transformer l'information et de la communiquer en grand nombre, on va le faire. Et ça commence tout de suite. En 1870, la photographie, elle n'a même pas 30 ou 40 ans d'existence. Donc tout ça se fait à ce moment-là. Là aussi, il y a une modernité, de ce point de vue-là, dans la communication et dans la propagande pendant la Commune. C'est aussi pendant la Commune qu'on va inventer des mots qui vont rendre l'autre, qui vont montrer l'autre sous une façon péjorative. Notamment, les communards seront des communeux ou des portageux. Aujourd'hui, on utilise plus des mots en isme ou en iste pour dévaluer ou dévaloriser une idéologie concurrente. C'est pendant la Commune qu'on va aussi inventer des mots comme ça. Les partageux, c'est pas des partageurs. Les partageux, c'est une idéologie. C'est pas des gens qui partagent un morceau de pain. Ce sont des gens qui ont une idéologie pour conquérir le monde. Les communeux, c'est pareil, c'est pas des communards. Les communeux, c'est une valetaille. Et d'ailleurs, on les appellera la canaille. Donc les mots qu'on va utiliser à travers les journaux ou à travers la presse vont être extrêmement importants et extrêmement violents. Parmi les différentes œuvres de la Commune, j'en ai cité quelques-unes, il y a aussi le divorce qui avait été inventé en 1791 par la Révolution française, qui sera abrogé par Napoléon très rapidement. La Commune crée des décrets qui et l'union libre. Ces éléments-là sont des éléments extrêmement importants dans l'émancipation des femmes. En 1791, lorsque on fait une loi qui permet le divorce, les femmes se ruent dessus. Ça leur permet de sortir de carcan, ça leur permet de sortir pas seulement du mariage en tant qu'union, mais surtout de sortir de carcan dans lesquels on les a enfermées. Donc le mariage, c'est un phénomène, c'est un fait d'émancipation des femmes extrêmement important. La Commune le fera. Les femmes vont prendre une place évidemment très importante. On trouvera des femmes sous l'uniforme des gardes nationaux qui feront le coup de feu. Il n'y en aura pas des dizaines de mille, mais il y en aura. Par contre, lorsqu'il s'agira de réprimer tout le monde, les Versaillais, les troupes versaillaises ne feront pas de différence. On fusillera quiconque aura des traces de pain, qu'on soit femme, enfant ou homme, il n'y a aucun problème là-dessus. Une autre idée de la violence, de la façon dont Versailles parle des communards, Alexandre Dumas, lui-même, à propos des femmes d'ailleurs, dit « Nous ne disons rien de leurs femelles par respect pour toutes les femmes à qui elles ressemblent quand elles sont mortes. » Voilà comment Alexandre Dumas parle des femmes de la Commune depuis Versailles. On a des termes extrêmement violents. Le terme pétroleuse aussi va naître à ce moment-là. On accusera les femmes, il y en aura quand même qui le feront, bien sûr, d'avoir incendié l'hôtel de ville, les Tuileries qui vont brûler pendant la Commune et disparaître. Aujourd'hui, il reste un jardin. Ce terme-là va vivre jusqu'à aujourd'hui. pour porter des termes péjoratifs contre les femmes, on les traite encore de pétroleuses. Le terme, il est né. Pluriel. Ah. Et donc le terme va naître pendant la Commune. Pour ça, la Commune, c'est extrêmement important en termes d'histoire sociale, d'histoire tout court, d'histoire militaire. On remettra même au goût du jour le calendrier révolutionnaire. Il va y avoir des demandes de remettre au jour le calendrier révolutionnaire. Un peu comme ce qu'on fait ici avec le 80 mars aujourd'hui. Ah oui, le 80 mars aujourd'hui. Donc le calendrier républicain avec les mois révolutionnaires. Il y aura des tentatives d'être remis au goût du jour aussi. Voilà. C'est à peu près ce que je pouvais vous dire pour l'instant. Et puis c'est tellement gros qu'on ne peut pas écluser tout ça. S'il y a des questions, des interrogations. Merci. Justement, j'ai une question sur les suites. Alors c'est peut-être un peu anticipé, mais sur les suites de la Commune, c'est-à-dire il y a eu beaucoup de gens qui ont été donc fusillés. Je ne sais pas s'il y en a qui ont été condamnés à mort. Mais on sait qu'il y a eu beaucoup de gens condamnés au bagne et beaucoup d'exilés. Il m'a semblé, mais je voudrais avoir ton information précise là-dessus, que finalement, quelques années plus tard, il y avait une sorte de climat d'amnistie. Et je veux dire que par rapport à l'énormité que tu as souligné du crime, enfin de la cruauté, certains parlent de génocide, je ne sais pas si c'est approprié comme terme, mais en tout cas de l'organisation, parce que tu as quand même montré une organisation, non, c'est peut-être pas approprié, mais en tout cas il y a quand même une organisation que tu as montrée pour lutter contre. J'ai du mal à pas appeler ça génocidaire, parce qu'il suffisait d'être parisien ouvrier, avec quelques signes, pour se faire quand même fusiller. Il y a des exemples. Mais en tout cas, peu importe, d'accord, si c'est pas génocidaire, c'est pas génocidaire. Mais en tout cas, il y a quelque chose de sans précédent qui semble s'être terminé assez rapidement, parce que ça c'est pas. Les années 80 me semblent relativement démocratiques, avec certains, je sais pas, l'école pour tous. Quels sont les après politiques proches de la Commune, je dirais. Ma question, c'est ça. Il y avait une autre question Non. Oui. En fait, ça fait des siècles et des siècles que, on va dire, la majorité des gens luttent, en fait. La majorité des pauvres qui luttent contre une élite qui nous contrôle et qui abuse de nous. Pourquoi on est toujours dans cette lutte-là, en fait? Pourquoi il n'y a pas un changement et un vrai virage pour sortir de cette barbarie-là? Parce que c'est de la barbarie, carrément. Ça va un peu dans le sens de la personne de l'auditeur précédent d'avant, hein, qui posait la question, les apports positifs de la Commune, en fait, qu'est-ce que ça a engendré la Commune est-ce qu'il y a eu des apports positifs aussi au niveau des mœurs ou politique avec la Commune, si ça a eu un impact après sur la politique ou les mœurs, etc. Je voudrais savoir quel a été l'impact pour les relations franco-allemandes et les guerres et le conflit franco-allemand qui a traversé après, le 19e, le 20e siècle surtout, avec toutes les barbaries qui sont suivies. Est-ce que ça a démarré à la Commune? La signification, c'est un peu en parallèle sur la question de la signification politique après la Commune. Il y a une question à laquelle je ne peux pas répondre parce que c'est pas le lieu, c'est pourquoi on en est encore là et qu'est-ce qu'on peut faire. Mais ça, c'est la lutte politique de tous les jours. Donc on n'est pas là dans une question historique, on est dans une question contemporaine, à venir et dans le futur. Pour les conséquences de la Commune, alors il y a deux choses. Il y a La première question sur qu'est-ce qui est arrivé aux communards après. Donc il y a eu effectivement un certain nombre de, en dehors des fusillés dont j'ai parlé, parce que ça fait quand même déjà beaucoup de monde. Il y a eu un certain nombre de procès à être condamnés à mort, 100 à 200 à peu près. Ça n'a pas été énorme parce qu'on avait déjà tué tout le monde avant. Hein. Il y aura aussi pas mal de condamnations à la déportation en Nouvelle-Calédonie, qui est une terre française. Louise Michel, notamment, qui est une grande figure de la commune, sera déportée en Nouvelle-Calédonie, mais pas toute seule. Hein. Il y a des milliers de gens qui sont partis là-bas. Alors, ça ne sera pas vraiment le bagne pour eux. Louise Michel, par exemple, en tant qu'institutrice, fera école sur place aux enfants de Nouvelle-Calédonie. Et effectivement, il y a une vraie volonté d'apaisement de la part de la Troisième République après 1875-80. Il va y avoir une amnistie des communards qui pourront revenir de Nouvelle-Calédonie. C'est à ce moment-là que Louise Michel et bien d'autres reviendront de Nouvelle-Calédonie. Le souvenir de la commune, il va rester fort dans le mouvement ouvrier. Il ne va pas avoir un impact considérable sur la population française, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. D'abord, c'est Paris, et pratiquement que Paris. Ça ne va pas toucher les campagnes, ça va très peu toucher les grandes villes de province. Donc, il ne va pas y avoir un impact très fort dans la population française générale en ce qui concerne la commune. Par contre, la commune va avoir un impact extrêmement important sur le mouvement ouvrier organisé. Marx va écrire La guerre civile en France, qui va être une vraie analyse, son analyse de comment il a vu la commune, les erreurs de la commune, pourquoi il y a des choses qui auraient peut-être mieux marché, notamment sur les questions économiques, parler de tout dire, mais notamment la commune ne va pas toucher à la Banque de France, ne va pas récupérer des millions qui sont à la Banque de France pour des raisons morales. Les communards ne veulent pas qu'on les traite comme dit Versailles de voleurs, de canailles, de voyous, etc. On est encore dans une période où la question de la morale de la part des communards et comment est-ce qu'on va parler d'eux est extrêmement importante. Mais en même temps, ça va, bien sûr, ça va les empêcher d'avoir un impact beaucoup plus important, y compris sur le moment. Il est évident que si, mais alors là, on rentre dans une autre dimension auquel les communards, je pense, ni n'étaient prêts, ni ne voulaient aller. C'est-à-dire, si réellement on s'emparait ou ils s'emparaient de l'or qui était stocké dans la Banque de France, on rentrait dans une dynamique qui était autre. Et je pense qu'ils ne maîtrisaient pas le truc et je pense qu'ils n'en voulaient pas. Donc de toute façon, la commune, bien sûr, en tant que mouvement insurrectionnel, était condamnée. Sur les conséquences de des relations franco-allemandes, c'est pas la commune qui va avoir un impact fondamental sur la relation franco-allemande. C'est simplement les conséquences de la guerre de 70, le nationalisme ambiant qui va se développer à partir donc sous la Troisième République, les questions coloniales, bien sûr. La revanche de l'Alsace-Lorraine, hein, puisque par le traité, par la paix entre la France et l'Allemagne, l'Alsace et la Lorraine sont devenus territoires allemands, et on va enseigner ça à des générations d'enfants pendant 30 ans, jusqu'à la guerre de 14, dans l'esprit de revanche. Hein, si on a autant de soldats qui, en 14, partent la fleur au fusil, c'est que eux-mêmes, ils ont été éduqués depuis longtemps à cette idée de revanche. Alors là, on sort de la commune, mais sous la Troisième République, autour de 1900, on fait des chansons nationalistes qui ont du succès, du genre « Vive le vin, abat la bière ». Hein ? Donc on est quand même dans des oppositions franco-allemandes extrêmement violentes, mais ça n'a rien à voir avec la commune. Par contre, je reviens donc sur les conséquences pour le mouvement ouvrier. Je disais tout à l'heure que les révolutionnaires russes, d'abord en 1905, et après en 1917, vont s'inspirer de la commune sur le plan insurrectionnel, sur le plan organisationnel, sur un ensemble d'éléments qui vont influencer, oui, bien sûr, et d'autres mouvements révolutionnaires. Mais ce qui se passe ici, une fois encore, rappelle beaucoup de choses de ce qui s'est passé sous la commune. L'occupation du territoire. Les commissions, hein, la commune a X commissions sur. Alors c'est beaucoup plus exécutif et plus urgent, hein, parce qu'on a quand même les Versaillais au cul et puis on tire dans les rues. Hein, on n'en est pas là. Mais il y a comme ça une floraison d'idées nouvelles, de propositions nouvelles, d'organisations sociales, bon, qui rappellent un peu ce qui se passe ici aussi, hein, avec cette occupation territoriale. Les communards s'emparent de Paris. Là, on s'empare de la place de la République, c'est un petit peu plus petit, mais il y a un souvenir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, moi, j'ai une question, je ne sais pas si j'ai pas compris, mais j'ai pas compris en fait pourquoi les campagnes n'ont pas suivi le mouvement insurrectionnel des Parisiens. Parce que on n'est pas dans les mêmes temps, on n'est pas dans les mêmes états d'esprit. La paysannerie française à la fin du 19e siècle, c'est une paysannerie de petits propriétaires. Les communards sont vus comme des grands méchants, mangeurs de propriété et de collectivisation. Donc les campagnes, et pendant longtemps, les campagnes vont voter en général de façon extrêmement conservatrice. Comme ça représente 80-90% de la population à l'époque, c'est là-dessus d'ailleurs que reposera en grande partie le pouvoir de Napoléon III quand il fera des plébiscites. Il reposera énormément sur les votes de campagne. Il ne faut jamais oublier qu'il n'y a que les hommes qui votent. Hein. Et ça compte énormément. Juste une autre raison qui est importante, c'est que les Allemands sont aux portes de Paris quand même aussi. Ils ne sont pas aux portes de Paris ? Si, à un moment donné, ils menacent de bombarder Paris, etc. C'est pour ça aussi qu'il y a cette union, qu'à Paris, il se passe quelque chose de plus important que dans les campagnes, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Les Allemands, ils font le siège de Paris. Ils ne bombardent pas Paris. Hein, c'est Thiers qui, après, lui, bombardera Paris, qui tirera sur les communards, mais les Allemands n'ont pas tiré sur Paris. Ils sont tout autour, ils font le siège de Paris. Ah bah oui, il ne faut pas oublier non plus qu'on est dans un temps où les communications sont parce qu'elles sont, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de machin, les informations mettent un certain temps quand même avant d'arriver, donc la France n'est pas encore complètement la France, hein. On est encore dans un pays de tiroir, dans un pays régional, etc. Les intérêts régionaux sont encore extrêmement forts, ils le sont encore aujourd'hui, imaginez il y a 140 ans. Donc on s'emballe pas comme ça, dans les territoires et dans les campagnes. Et bien sûr que pour Paris c'est très particulier, mais parce que à l'époque, et c'est ça d'ailleurs que c'est peut-être la Commune marque aussi la fin de cette chose-là, marque la fin de Paris en tant que centre insurrectionnel, en tant que centre révolutionnaire pour la France. L'écrasement de la Commune, c'est aussi l'écrasement de ça. C'est-à-dire que c'est de Paris que partiront, après 1789, les révolutions, comme je l'ai rappelé, de 1830, de 1848. On se bat dans le faubourg Saint-Antoine, à coups de fusil, à coups de canon, en 1830. En 1848, la même chose, les journées de février, les journées de juillet, surtout les journées de février. Donc, l'écrasement de la Commune, c'est aussi la fin de Paris en tant que centre insurrectionnel qui prend les armes contre le pouvoir, même légitime de la France. De ce point de vue-là, la Commune marque à la fois le début de quelque chose et aussi la fin de quelque chose. On ne retrouvera plus jamais ça. Même en 68, on n'aura pas ça. Pourquoi les Allemands se limitent seulement à assiéger la ville ? Parce que les Allemands, à ce moment-là, les Prussiens, hein, parce qu'on est justement, non, mais c'est important, justement, toute l'histoire est là. Hein, l'unité allemande n'est pas faite. Bismarck, lui, son boulot et sa vision en tant que Prussien, c'est l'unification de l'Allemagne pour en faire un empire. C'est. Au passage, on peut toujours humilier les Français puisqu'il va faire couronner Guillaume Ier dans la guerre des glaces à Versailles, c'est toujours ça de prix. Mais il n'a pas du tout l'intention d'installer les troupes prussiennes à demeure en France. Lui, son boulot, et il va faire ça toute sa vie jusqu'à sa mort à la fin du 19e, c'est d'œuvrer à l'unification allemande sous égide prussienne avec Berlin comme capitale. Bismarck, c'est probablement probablement le plus grand homme d'État européen qu'on ait connu, avec peu d'autres. Il va le faire et c'est ça qui l'intéresse. Occuper la France, c'est pas son truc, hein. C'est pas Hitler, hein, Bismarck. Oui, bonjour. Alors, est-ce que selon vous, la défaite des communards est due aux dissensions internes, c'est-à-dire entre les jacobins et les blanquistes, ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs ? Alors, ça, j'en ai pas beaucoup parlé. Des dissensions et des luttes politiques à l'intérieur de la commune, oui, bien sûr qu'il y a une bagarre politique énorme entre les blanquistes, les gens de l'AIT, l'Association internationale du travail, les bakouninistes. Enfin bref, il y a déjà toute une... Ce qu'on va connaître plus tard, toute cette opposition à l'intérieur du mouvement ouvrier, mais c'est pas ça qui va être déterminant sur ce qui va se passer pour les communards. La chose, elle est scellée par Versailles, avec des soldats équipés, avec des... La chose, elle est scellée par les armes, tout simplement. Hein. On a des dizaines de milliers de soldats qui rentrent dans Paris, vous pouvez être ce que vous voulez comme tendance politique. On n'est pas assez nombreux, même si tous les communards s'étaient unis pour dire la même chose. Et d'ailleurs, tout le monde s'est battu ensemble. On a fait des barricades qui semblaient tenir la route, mais ça n'a pas tenu la route. Vous avez des dizaines de milliers de soldats qui rentrent, qui sont équipés avec des fusils modernes. Il y a aussi, faut pas jamais oublier, hein, là. On tire, hein, on n'est pas avec des canons à eau ou des grenades lacrymogènes. On tire au canon et au fusil dans les rues, et sans façon. Avec des fusils modernes, les autres en face, ils ont peut-être encore des vieux flingos du 18e qu'on charge par l'avant. Les soldats ont le temps de tirer 10 coups contre les autres, on n'en a pas tiré 2. Il ne faut pas oublier qu'on est comme dans une, on est dans une vraie guerre. C'est pas pour rien que Marx écrit la guerre civile. On est dans une vraie guerre à coups de canon et à coups de fusil. Donc là, évidemment, que le rapport matériel et le rapport militaire comptent énormément. Oui. Juste pour continuer sur oui, c'était une vraie guerre sur le nombre de Parisiens qui ont été tués. Historiquement, on a le nombre exact et comment ça s'est passé, parce que moi j'ai visité les catacombes, un peu le Père Lachaise, pour après enterrer tous ces ouvriers, tous ces Parisiens. Et juste aussi une autre chose. C'est qu'on voit que malgré tout, ça n'a pas écrasé le mouvement ouvrier, puisqu'il s'est vite relevé après, il s'est organisé en syndicat. Enfin bon, 1895 par exemple, création de la CGT, et puis les bourses du travail. Donc ils ne sont pas du tout abattus après. Alors non. Évidemment il est certain que l'écrasement de la commune n'a pas écrasé le mouvement ouvrier, loin de là. Ce qui a été écrasé, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est l'écrasement de Paris en tant que centre insurrectionnel historique en France. Là, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça a été complètement écrasé. En tant que mouvement ouvrier, en tant que force politique, il n'y a aucun problème. Bien sûr que ça, il y a la loi sur les syndicats, etc. Il y a beaucoup de gens à gauche qui ne soutiennent pas la commune. Clémenceau est maire du 18e arrondissement pendant la commune. Il ne veut pas soutenir les communards à coups de fusil. Il y a plein de gens qui sont à gauche, à l'époque, républicains, foncièrement républicains, et qui sont contre l'insurrection communard. Donc ça n'empêche pas ensuite que des nouveaux partis, que l'organisation syndicale et l'organisation ouvrière se développent en France. De ce point de vue-là, ça n'empêche rien. Ah, sur les morts, alors on estime qu'il y a à peu près, comme je l'ai dit un peu au début, 30 000 gens qui sont fusillés, mais collés au mur. Hein. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont sans procès. Les troupes avancent. Comme je disais, les gens qui ont de la poudre sur les mains, on les colle au mur et on fusille, sans barguigner et sans discuter. Donc on estime qu'il y a à peu près 30 000 morts de cette façon-là pendant la semaine sanglante, ce qui est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Parce que quand même, il y a déjà un paquet de quartiers qui ne se battent plus. Les quartiers de l'Ouest, qui sont déjà des quartiers bourgeois, lorsque les troupes de Versailles rentrent, qui sont aussi, où il y a aussi des gardes nationaux, puisqu'il y a des gardes nationaux dans tout Paris, rendent les armes assez vite. On va commencer à se battre à partir aujourd'hui des arrondissements du 14e, 15e, 13e, et bien sûr 10e, 11e, c'est ici que ce sera le plus violent. Mais oui, c'est ça, c'est dans les 30 à 40 000 morts à peu près, c'est difficile à estimer. Ce que représente le nombre de morts pendant la semaine sanglante. Oui. Ça fait beaucoup de monde quand même en pas longtemps. Hein. Beaucoup. Ah oui, alors ça c'est très intéressant. Oui, j'en ai pas parlé. C'est comment est-ce qu'on a raconté l'histoire de la commune. Tiens, quoi, on la raconte pas. On vous regardez les livres d'histoire. Peut-être aujourd'hui, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé un manuel. Mais de toute façon, les mômes ne regardent pas les manuels, donc on s'en fout, pour eux ça ne change rien. Mais sur l'enseignement de l'histoire de la commune à l'école, bien sûr qu'on n'en parle pas. Hein. Si on prend des vieux manuels, j'en ai quelques-uns du début du XXe siècle, on parle de la guerre de 70, on dit qu'il y a eu les Prussiens et que Thiers a fait un gouvernement provisoire et puis les Prussiens sont partis. La commune, c'est un mot et puis c'est tout. Il est évident qu'on n'a pas enseigné aux jeunes Français ce qu'était la commune pendant des dizaines d'années. Hein. Jusque aujourd'hui, je pense qu'on en parle peut-être un petit peu plus, et encore. Mais il n'y a pas évidemment une tradition d'enseignement de la commune dans l'école en France. Ça, c'est évident. Comme d'ailleurs, il y a eu pendant longtemps très peu de choses sur la collaboration. Enfin, tout ce qui est un petit peu noir et qui n'est pas très clean dans les manuels en France. Oui. La collaboration, on commence à savoir ce que c'est. Évidemment, c'était un peu tard. 70, c'est... Non, mais il y a un problème quand même qui est très spécifique qui vient d'être évoqué sur la commune. Qui est, je connais pas beaucoup d'exemples quand même. Et aujourd'hui, moi, j'ai des enfants qui sont qui ont les manuels. Bon, bah effectivement, on en parle toujours très peu. C'est très curieux. Enfin, de toute façon, les manuels, on parle de rien. Il faut reconnaître. Mais enfin, et on parle. Non, c'est vrai. C'est les manuels, non plus de texte. C'est une catastrophe. Les manuels d'histoire aujourd'hui, c'est. Oui, mais les écrivains des manuels eux-mêmes. Mais cela dit, il y a quand même une problématique. La question, c'est pourquoi, voilà. C'est un peu pourquoi. Est-ce que vous avez une idée à prendre ? La question... oui, c'est ça, la question, elle est très simple. Hein, c'est qu'on n'enseigne pas aux enfants à être des petits... des insurgés en herbe. Ça, c'est très clair. Ah ben, bien sûr. Hein. Attends, je voulais juste finir un mot. Monsieur, je ne veux pas prendre votre place, mais les... ce que je voulais dire, c'est que d'abord, la semaine prochaine, samedi, il y a la montée au mur des fédérés le 28 mai, c'est-à-dire on monte à 14h30 au mur des fédérés pour justement commémorer tous ces 100 000 morts de Paris, parce qu'il s'agit de 100 000 morts. Ce que la commune de Paris a fait en 72 jours, parce que la commune n'a duré que 72 jours, aucun gouvernement de gauche, dit de gauche, ne l'a fait. Premièrement, la laïcité. Tout le monde sait que c'est en 1905. Eh bien non, les communards avaient déjà pensé la laïcité. On se réunissait la nuit dans les églises. On laissait les églises aux prêtres faire leur cérémonie. Et le soir, les communards se réunissaient dans les églises. Ici, on se réunit sur la plaine. Ils allaient dans les églises. Première loi, donc la laïcité, c'est avant 1905. La deuxième loi, réquisition des logements vides. Les artisans qui avaient fui Paris, qui étaient partis à Versailles, ont laissé des ateliers dont Potier était un artisan. Oh, Potier, l'international, hein, tout le monde sait qui est Potier, hein, Eugène Potier, qui était artisan dans les soieries. Il a demandé à ce qu'on réquisitionne tous les ateliers, et les gens ont réquisitionné, les communards qui se sont réunis donc dans les arrondissements, effectivement le 11e, le 13e, le 13e où il y a encore à la Butte aux Cailles, la rue des 5 Diamants, les amis de la commune, qui existent toujours, 145 ans, parce qu'on est dans la semaine sanglante là, on y est vraiment. Mais c'est la dernière semaine où effectivement on a fusillé à tout va. Voilà. Bon, et troisième loi, la reconnaissance de l'union libre. Louise Michel, institutrice, les instituteurs sont devenus laïcs, ils ont remplacé les religieuses dans les écoles, dont Louise Michel est en particulier une fervente adepte. Voilà, bon, j'ai encore plein de choses à dire. Allez-y. Juste, il reste à peu près 5 minutes, donc du coup, je vous laisse après et les dernières questions. Et puis... Juste un mot sur les traces de la commune. Je me rappelle, moi, en 1971, donc c'était le centenaire de la commune, au Père-Lachaise, il y a eu une manifestation absolument monstre. Il y a eu des dizaines de milliers de gens qui étaient montés au Père-Lachaise. Aujourd'hui, quand on fait la cérémonie au Père-Lachaise, on n'est pas 300. Hein. Donc, on mesure encore l'importance aussi du souvenir de la commune en fonction du mouvement social. En 1971, on est 3 ans après mai 68, évidemment, le mouvement social avait explosé, et évidemment que d'un coup, le rappel de la mémoire de la commune est extrêmement fort, et en 71, donc, pour le centenaire de la commune, il y a des dizaines et dizaines de milliers de gens qui ont fait une manifestation et monté au mur des fédérés au Père-Lachaise. Donc la mémoire de la commune, elle est aussi fonction toujours de l'histoire qu'on vit au moment où les choses se passent. Mais pour revenir sur ce qu'on disait à propos des enfants, bien sûr qu'il n'y a pas eu, il y a une volonté même, je pense, extrêmement forte de ne pas instruire sur la commune dans les écoles. Ça, c'est extrêmement clair. Oui, je peux vous rassurer, moi je suis italienne, et dans les manuels étrangers, la commune est une date fondamentale de l'histoire européenne. Hein. Absolument. C'est un tournant fondamental de l'histoire européenne, parce que ça va être un exemple pour tous les mouvements sociaux, justement. Et on va le savoir. Oui, moi je voulais juste dire que au niveau de l'architecture et au niveau des rues aussi, c'est très important de connaître un petit peu, parce que là, juste là, la rue de Malte, à l'époque de la commune, c'était le boulevard du crime, par exemple. Hein? Et voilà, et puis là, bon, bien sûr, tout le monde connaît les trouées des grands boulevards, mais tout ça, ça nous parle, la commune, elle est là. Et la rue Saint-Maur, c'est un des derniers dernières barricades de la commune. Voilà, l'architecture apprend beaucoup de choses. Oui, juste je dis dernière intervention et puis ensuite il conclura. Non, c'est juste pour apporter un témoignage que dans l'histoire américaine, on s'intéresse aussi à la commune. Mais non, dans mon domaine de l'architecture, les historiens de l'architecture mentionnent la commune avec beaucoup d'intérêt. Et il y a une chose qui est tout à fait étonnante, c'est que dans les années, par exemple, 70 aux États-Unis, on faisait des concerts gigantesques, avec des instruments de musique gigantesques, pour célébrer la fin de la guerre de 70. Il y avait des milliers, des dizaines de milliers de gens qui assistaient à des concerts aux États-Unis pour célébrer ce qui s'était passé en France. Les deux. Non, mais c'est pour signaler l'intérêt de l'histoire française, de cette articulation importante. Eh ben, on va faire une conclusion européenne et voire internationale, pourquoi pas internationaliste. Je ne savais pas, moi... Justement. Je ne savais pas qu'on enseignait aussi bien la commune ailleurs, et donc manifestement beaucoup mieux qu'en France, partout dans le monde. Ça répond à une vraie question. Hein. La question, c'est quel est l'impact de la commune ? Ben, il est mondial, sauf en France. Ben, merci beaucoup à vous et à tous, toutes et tous ceux qui ont participé. Et on finit par une chanson. L'internazionale futuro umanità.